À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, se sont déroulés un rassemblement commémoratif au Venezuela et en Bulgarie, une conférence au Népal, un colloque et une exposition de photos, de livres et de beaux-arts coréens en Roumanie et une exposition de photos d'Internet en Allemagne. Dans les salles d'exposition, il y avait les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont été étalées des œuvres classiques du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, ainsi que des livres et photos qui présentent la Corée Tchoutse, des beaux-arts montrant l'intelligence et le talent du peuple coréen. Y ont participé des personnalités de divers milieux et les habitants des pays hôtes.